Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver comme tous les mardis soirs pour vous filer une petite dose de métal en fusion pour réchauffer les esprits et les cœurs, car on en a bien besoin en ce moment de ces époques troublées. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Des nouveautés au nombre de 3. Des petites choses un petit peu anciennes que j'ai ressorties et également on continuera la revisite de Kill 'Em All, l'album mythique de Metallica sorti il y a 40 ans, par des extraits live, peut-être certains un peu plus récents, mais qui nous replongeront dans l'atmosphère de cet album mythique. On va retrouver bien évidemment la suite et la fin de l'interview du groupe Asylum Empire que j'avais eu la chance de faire début février. Et puis d'autres choses, bien sûr, tout au long de l'émission. Donc petit survol de tous les genres et sous-genres qui composent notre style de musique préféré. Eh bien, on va commencer tout de suite très rock'n'roll, du rock'n'roll bien crasseux. On va faire un petit tour en Australie, retrouver The Strip. The Strip avec 2 P, groupe qui a sorti son premier album fin d'année dernière et mais sorti chez nous là en tout début d'année 2023 grâce à l'excellent label Bad Reputation, donc du rock crasseux à la AC/DC, Motorhead comme on l'aime. Le titre d'album c'est Ain't No Crime to Rock and Roll. Ça c'est clair que c'est pas un crime, loin de là, bien au contraire. Et The Bitter End va nous le prouver tout de suite. We'll be right back. Death Rider, c'est également le titre de l'album de ce groupe Motor Jesus. Motor Jesus, petite histoire, c'est un groupe allemand qui existe depuis le début des années 2000 et qui a déjà sorti donc 6 albums. Death Rider, c'était leur deuxième qui était sorti en 2006. Plus récent, puisque sorti chez nous en tout début d'année 2023, est venu d'Australie The Strip avec 2 P. Extrait donc du premier album Ain't No Crime to Rock and Roll, c'était The Bitter End. Revenons à quelque chose de Made in France que je vous avais présenté la semaine dernière. Les Français de Girfilla avec leur métal symphonique, progressif, enfin qui va un petit peu dans tous les sens. C'est leur premier album qui s'appelle W. On va surveiller Sister in Blood. Bon, petit problème technique, je ne sais pas pourquoi. Le morceau s'est arrêté en plein milieu. Enfin bon, c'est les inconvénients du direct, vous me direz. On était en plein Sister in Blood de Girfilla, extrait de l'album W. Donc s'il veut bien repartir, on va peut-être vous le passer, mais... Voilà, voilà. tour par l'Italie où on vient de retrouver Sleeping Romance et leur album We All Our Shadows, c'était MOF, My Own Foe à l'instant. Par contre, bien de chez nous, puisque de la région parisienne, le premier album de Jirfia W avec Sister in Blood, qu'on a fini par avoir quand même. Et bien, comme je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, cette année va être une année riche pour Metallica, un nouvel album, une nouvelle tournée et les 40 ans de leur premier album, le mythique Kill 'Em All. C'est pour ça que depuis quelques semaines, on revisite l'album via des versions live de cet album mythique. Alors pour ce soir, je nous ai choisi le premier morceau qui ouvre l'album Kill 'Em All, qui à l'époque nous a foutait vraiment une baffe dans la gueule. Il n'y a pas d'autre chose à dire quand on réécoute ça, on écoutait ça à l'époque, le Hit the Lights, c'est vrai que c'est ouf, c'est quelque chose. Eh bien, je nous ai choisi une version live enregistrée à Paris le 11 juin 2003 pour la promotion de l'album Saint Anger. Metallica avait fait le choix de faire 3 concerts en une journée. Ils avaient fait un concert en début d'après-midi à la Boule Noire, cette petite salle de Paris qui contient quoi, à peu près 300 personnes. Un peu plus tard dans la soirée, ils avaient fait un concert au Bataclan. Le fameux concert qui est ressorti lors du Discardé en 2016 en hommage aux victimes, dont on vous avait passé d'ailleurs pas mal d'extraits dans Electric Shock. Et en fin de soirée, un concert à la salle du Trabendo à côté du Zénith à Paris. Et bien donc au Trabendo, et à chaque fois donc une setlist différente, bien au Trabendo, donc et ceci c'est un EP, oui je me mélange un petit peu. Et en 2004, alors que le groupe était donc en pleine promo pour l'album Saint Anger, ils ont sorti un EP pour soutenir le morceau Unnamed Feeling, qui était une compilation de titres enregistrés lors de cette journée marathon. Donc il y avait des titres du Bataclan, de ceci, cela, et un petit florilège principalement des 3 premiers albums, Hit the Lights. Donc par contre, cette version qu'on va vous mettre ce soir, enregistrée donc au Trabendo, le 11 juin 2003, extrait du Unnamed Feeling EP, Metallica. Yeah, riff! Yeah. see you again. Hope to see you soon sometime next year. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est la suite, mais bon, on n'a pas que ça à faire. Vous aurez reconnu le No Remorse, extrait donc de l'album Kill 'Em All. Là, c'était cette version Live est enregistré donc à Nashville le 12 juin 2008 au Grimace, un petit club. Et ça, c'est extrait d'un album intitulé Live at Grimace, sorti aux États-Unis en 2010. On vous en avait passé des extraits à l'époque d'Electric Shock, si vous en souvenez. It's the Light, qui était juste avant lui, par contre, a été enregistré au Trabendo à Paris le 11 juin 2003 lors des concerts marathon pour promouvoir Saint Anger. Et cette version, vous pouvez la trouver sur le EP Unnamed Feeling EP qui était sorti en 2004. Eh bien, on va se faire maintenant la première nouveauté de la semaine. J'appelle ça une nouveauté, mais en fait, quelque part, oui et non, parce que c'est plutôt une réédition. Enfin, en même temps, c'est une réédition où il y a quand même plein de choses inédites d'un groupe apparemment culte qui s'appelle Les Fils de Joie. Alors, Les Fils de Joie, c'est un groupe de Toulouse qui s'est formé à la fin des années 70, comme beaucoup, qui pratiquait un rock comme il s'en faisait beaucoup à l'époque, un mélange de punk, pop, rock, reggae, ska, avec des paroles très second degré, très humour noir. Après un 45 tours autoproduit qui avait eu un petit succès, ils avaient eu la chance de pouvoir signer chez Phonogramme. Alors là, on se dit, ça y est, ça va être parti. Ils ont sorti un EP, un 45 tours, mais bon, apparemment, ça s'est pas très bien passé, puisque dans le groupe, apparemment, ne se reconnaissaient plus avec ce que Phonogramme voulait leur faire. Et le groupe s'est séparé en 85, avant même qu'ils aient enregistré leur premier album, qui devait sortir en 86. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là, et puis c'est tout. Mais seulement, voilà, tous ces enregistrements qui datent de l'époque ont été regroupés sur un album là qui est sorti la vendredi, qui s'appelle Nous ne dansons plus la nuit. Enfin, il est sorti en vinyle, déjà, il est disponible en vinyle depuis un mois. Mais celui-ci vient donc de sortir maintenant, officiellement, en CD, donc avec plus de titres, vendredi dernier. Extrait donc de cet album, je vous invite à découvrir avec un morceau qui s'appelle « Encore une fois dans l'Ouest ». Le poncho, le cigare, tout est dans le regard, il fait encore trop chaud, le train est en retard, ça change pas vraiment la donne, y a pas grand chose qui t'impressionne, pas même une étoile sur la veste. Encore une fois dans l'ouest. Comme le soleil qui plombe à l'heure de la sieste. Quand la nuit tombe, quand col tresse, encore en éveil. Pour ceux qui veulent piéger dans ton sommeil. Erreur et man ouest. Encore une fois dans l'ouest. Oh, oh, oh, oh, oh. Heureusement il y a Sergio Leone et John. Rodriguez, Richie, Quintano et Tarantino. Quand il dégaine, toi tu dégaines, c'est la loi de la peine. Quand on veut devenir de best, faut pas rater le bon geste. Et toi tu n'es pas en reste. Encore une fois dans l'ouest. La musique que tu préfères, c'est le son, c'est le son, c'est le son du revolver. Moi j'aime aussi la poésie que t'écris avec ton fusil. Quand l'occasion se manifeste, encore une fois dans l'ouest. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Heureusement il y a Sergio Leone et John. Rodriguez, Richie, Quintano et Tarantino. Écoute les sirènes au loin dans la nuit. La police court toujours après les bandits. Mais qu'est-ce que dit le scénario? Que tu vas prendre des coups mais qu'ils n'auront pas ta peau. Et ton chargeur se déleste pour une fois sur la côte est. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Heureusement il y a Sergio Leone et John Inarritu. Richie, Quintano et Tarantino. Heureusement il y a Sergio Leone et John Iñárritu, Jarmusch, Rodriguez, Richie, Quintano et ta rondine. Pat Kebra, bah oui, on a fini par l'avoir aussi. Il y avait une petite poussière sous le CD, et puis voilà, donc c'est. Extrait donc de son album Pat Kebra, l'ancien guitariste des mythiques Oberkampf. Extrait de son premier album solo, Le Cœur sur la Main, sorti en 2011. Malheureusement, l'ami Pat semble avoir pris sa retraite musicale. Pourtant, tous les ans, quand on échange nos vœux, je lui demande de reprendre sa guitare, mais bon, rien à faire. Peut-être que là, si tu nous écoutes, Pat, ça te donnera peut-être envie de repartir pour un tour. C'est très bien ton label, j'adore ce que tu fais, mais j'aimerais bien que tu nous refasses un nouvel album. Enfin voilà, c'est dit, c'est dit. Juste avant Pat Kebra, la première nouveauté de la soirée, Les Fils de Joie, groupe underground de Toulouse, avec sa réédition de ses premiers 45 tours, EP, etc., de l'album qui n'est jamais sorti, plus des titres plus récents. Ça s'appelle Nous ne dansons plus la nuit, et c'est sorti vendredi. Eh bien, on va revenir maintenant à la suite et à la fin de l'interview que j'ai eu la chance de faire avec le groupe Asyl Empire le 1er février dernier pour leur premier nouvel album Call Me Human qui sort d'ailleurs vendredi. Alors, j'espère que j'ai bien calé parce que c'est pas toujours évident. Alors, je vous laisse en compagnie donc d'Asylum. Les Riot Girls, ce genre de choses, ouais. Manque un peu alternatif. Oui. Pareil, c'était ciblé aussi. Il fallait qu'il y ait un gros son de guitare et une figure quelque part. Donc c'était quand même balisé aussi. Ouais, mais ça avait un côté moins péjoratif qu'aujourd'hui où effectivement Et encore une fois, ces gros groupes, moi je les ai écoutés quand j'étais ado, j'étais vraiment fan. Moi, j'ai écouté, je trouve ça très bien. Ouais, mais voilà. Ça limite pas quoi. C'est ça. Voilà. Je suis pas content. Par le primatisme, je suis pas content. Et en dehors des îles Empire, est-ce que vous tous avez des congés parallèles? Et votre musicalement parlant, tu veux dire, ou... Ah oui, c'est la dernière. T'as mis le doigt dans l'engrenage, là. Alors, des projets parallèles. Ouais. Musicaux ou hors musique ou les musicaux deux. Musicaux. Ça va limiter déjà, mais... toi, t'es dans... Ouais, moi, je suis dans pas mal de projets différents. Cette année, j'ai en tout, avec l'Asylum, j'ai 5 albums qui sortent cette année. Donc il y a 2 trucs plutôt métal, un truc un peu folk, rock noise, et puis un truc avec du chanté en occitan et en latin. Faut que je t'envoie. Voilà, et puis mais c'est voilà, c'est j'ai pas mal de. Je joue aussi dans un groupe de LAL, et soit plusieurs groupes comme ça. Voilà, un peu à droite à gauche. Et puis je vais te faire bosser dans un projet pop rock aussi. Oui, attends. C'est le quelle heure, oui. Comment je faisais comme ça? Ok, d'accord. Voilà, donc oui, comme je fais que ça, de toute façon, je vis de ça. Donc je suis sur 6-7 projets différents pour à peu près tenir le choix. Et après, moi j'ai des projets dans... Ah, pardon. Non, mais signe, je t'ai pas regardé. Vas-y, je t'en prie. Pour l'instant, moi j'ai rien de vraiment très officiel, mais effectivement des travaux en cours dans l'ombre sur des projets pop-rock, métal de différents styles, heavy plus traditionnel, ou dark, plus dark, doom, ambiant, et puis d'autres choses dans la pop, voilà, qui sont en préparation. En préparation, tu sors rien bientôt? Oui, les compos sont là, mais là, tu peux pas enregistrer. Il faut aller courir après les interprètes. Ouais. Non, moi, c'est des projets donc d'écriture. Là, je vais publier un roman cette année, enfin un récit de voyage. Et à côté de ça, je fais aussi des carnets sonores. Donc là, je suis en phase de collecte de sons. Donc pour faire des histoires, j'ai un autre projet là qui va se mettre en place du coup à l'étranger, à Sarajevo, avec... Bon, on verra, je ne vais pas en parler là maintenant, mais qui devrait se mettre en place toujours autour de ça, la question du son, de l'écriture. Et un autre projet que je traîne depuis 6 ans, qui s'appelle Singer Trotter. Et en fait, je prends mes caméras et je vais découvrir un pays par le biais de ses musiques. Et j'essaye de chanter avec les gens et je filme tout ça en partant toute seule avec mes caméras. Donc c'est à côté de mon freelance. toujours dans l'écriture, voilà, c'est vraiment l'écriture à fond. Voilà. Donc tout ça, effectivement, ça influence aussi. Influence, et puis une petite chiffre, parenthèse à la fin, si des auditeurs sont intéressés par les approches systémiques du monde, puisque c'est des choses qu'on aborde même un peu dans les paroles, mais qui sont des projets qui ne sont pas forcément que musicaux, ils peuvent énormément parler. Ok, bah, de toute façon, on transmettra. Souci. Et là, comme votre album va bientôt sortir, vous avez des concerts de prévu Alors, on fait une petite session d'écoute, enfin qu'on appelle oui, une release, enfin une fête, on va dire, une fête. Le 30 mars, du coup, au Dr Feelgood à Paris. Donc là, on invite tous les gens qui ont envie de boire une petite bière en regardant nos clips. On va proposer des cadeaux, des choses à gagner, peut-être un petit mini set acoustique, en tout cas guitare-voix. Et ensuite, on a la release party le 14 avril à la Péniche Antipode avec nos amis d'Attractive Chaos. Voilà, pour cette date qui sera à Paris le 14 avril. Et ensuite, à venir, d'autres choses, pour l'instant, on ne peut pas communiquer dessus, c'est en cours de construction. Donc, wait and see, voilà. C'est une question à la con, là, que j'ai posée, là. Enfin, bon. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut donner une réponse à la con aussi? Ah, bien sûr. Pour tous les trois, c'est quelle est la question qu'on vous a jamais posée, qu'on aimerait et que vous aimeriez qu'on vous pose? Est-ce que je suis vierge? Pas mieux, hein. Qu'est-ce que tu veux dire après? Bon, allez, voilà, c'est bon. Es-tu vierge? Et vrai qu'on te pose la question. Non, mais j'aime bien ce genre de questions, par contre. Pour le coup, j'aime bien ce genre de questions à la con. Ça détend, c'est bien. Est-ce qu'on peut dire aussi que si on peut demander que la personne nous pose la question? Ça, je vois ce que tu veux. Est-ce qu'on peut dire? Ah non, je ne pourrais pas dire. C'est pas très rigolo de dire que personne ne pourrait te poser une question. Parce que comme ça, tu pourrais dire, par exemple, tiens, un grand décideur qui vient de nous poser une question et qui nous écoute. Une réponse. C'est un peu prétentieux. Hein, mais... ça pourrait être une réponse aussi. Sinon, j'en ai une autre. Est-ce que tu veux 10 millions d'euros? J'aimerais beaucoup qu'on me pose cette question directement. Écoutez, comment vous la parlez? Vous êtes mécène. Bon, on va bientôt arriver à la fin de l'entretien. Bon, c'est une question traditionnelle que je pose souvent, c'est comment décrivez-vous Asylum Empire à quelqu'un qui ne connaît pas, si vous voulez le convaincre d'écouter? C'est très bon pour ça. Ah, c'est bon pour ça. Pour moi, c'est déjà... mais rapidement, on peut un peu... pour moi, déjà, de base, c'est des chansons, déjà. C'est déjà des chansons. Ouais, c'est la chanson puissante, je dirais ça comme ça. Power song, vraiment, ouais, pour moi c'est de la power song, ouais, vraiment. Avec des. C'est bien, et côté effectivement avec des refrains accrocheurs, de l'émotion, et puis de la recherche pour essayer d'avoir une identité, de la variation. Mais sinon c'était bien aussi. Mon collègue est. Non, je suis une adepte, tu sais, de la sobriété. Ah, ok, bon. Alors on va le donner. Il était, j'avais plus le temps, mais il y en a. Non, t'as très présente, surtout à partir de 21h. Et puis la toute dernière question, c'est quelques mots pour les auditeurs d'Electric Shock. On espère que vous allez cette interview va vous donner envie de nous découvrir. Parce que ça vaut le coup. Ouais, écoutez, faites-vous votre avis. Faites-vous votre avis, ouais. Venez voir, venez en parler. Quoi. Voilà. C'est ça. Oui. Oui. C'est pas faux. Oui. C'est pas faux. Merci. Donc, le mot de la fin, alors. C'est pas faux. Oui. Eh bien, merci à vous. Merci à toi. Voilà, fin de l'interview donc de groupe Asylum Empire. Et d'ailleurs, petit scoop, la semaine prochaine, nous découvrirons le nouvel album, donc Call Me the New Man, dont on a parlé ces dernières semaines via cette interview. Et il est déjà 19h49 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, sur déjà presque une heure de passer. C'est vrai que ça passe très très vite. Et ben, on va revenir à ce groupe américain qui a battu le record de longévité, mais de sortie entre deux albums. Après Guns N' Roses, puisque leur dernier album datait de 2001 et celui-ci vient de sortir en 2023, qui s'appelle Ways of Loss and Power. Vous devez connaître parce qu'on vous en passe depuis quelques semaines. C'est le groupe de rock progressif Ice Age. Et ce soir, ça va être Float Away. Tonight. Qu'est-ce que c'était classieux, ça, Rush. Mais regretter Rush avec The Pass, un extrait de l'album Presto, qui était leur 13e sorti en 1989. Juste avant, beaucoup plus récent, puisque sorti en 2023, après 22 années d'absence, le groupe américain Ice Age et leur 3e album Waves of Loss and Power, c'était Float Away. Bah, du Canada, maintenant, je vous invite à aller faire un petit tour, toujours sur le continent américain, en Argentine, si vous voulez bien, où on va retrouver le groupe Power and Glory, groupe de pur heavy metal, et son 2e album Road Werewolves, que je vous ai présenté la semaine dernière. Allez, on va se faire un petit brûlot sympa qui s'appelle Freedom Rider. On est resté sur le continent américain. Là, à l'instant, on était au Brésil. Ça nous a fait plaisir de retrouver Rexor après quelques semaines d'interruption. Extrait donc de leur album For Glory and Freedom, c'était Running in the Night. Juste avant, venu d'Argentine, Power and Glory, leur deuxième album Road Werewolves, avec le morceau Freedom Rider. 20h07 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Je vous rappelle que vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bien sûr. On va se faire donc la deuxième nouveauté avec un tout jeune groupe qui s'appelle Embers, qui est un duo, qui vient de sortir son premier EP éponyme, qui est sorti donc le 14 mars dernier, c'est tout récent. Alors Embers, c'est un groupe de rock dans le sens le plus large du terme. On y retrouve rock années 80 quand même, parce que je trouve quand même un certain spleen qui fait penser un petit peu à cette new wave qui avait les années 80, qui a un son un peu plus soutenu quand même. Et là, leur EP était quand même produit au studio Sainte-Marthe par Francis Cast, qu'on est habitué quand même à produire des choses un peu plus rentre-dedans. Enfin, ça prouve bien que le gars est quand même capable de faire tout. Et on va se faire donc le deuxième sur ce EP de 6 titres. On va se faire le deuxième single qui s'appelle Copayaco, qu'on va donc découvrir tout de suite maintenant. Cool, we are. QI, c'était un extrait de Shutter the Wanderers, le dernier album de Double Negative, juste avant les nouveautés, deuxième nouveauté de la soirée, le EP éponyme de Embers et le morceau Copa Yako. Voilà. Un petit peu de Motorhead, ça vous dit? Oh bah oui, ça va toujours. Eh bien, Motorhead nous est revenu avec une réédition de l'album Bad Magic, intitulé Seriously Bad Magic, qui contenait donc deux titres vraiment inédits, qu'on vous a déjà passé ces dernières semaines. Et cette réédition est accompagnée d'un live inédit enregistré au Japon en juillet 2015 lors de la fin de la tournée de Aftershock, un live au son très roots, c'est clair, mais c'est toujours comme ça avec Motorhead, donc ça le fait. Allez, on va se faire deux petits brûlots de ce superbe live. Tout d'abord, le classique d'Overkill, Metropolis. Le live s'appelle donc, je vous rappelle le titre, Motorhead at Mont Fuji Festival 2015. Sayonara, folks. Eh bien, sayonara, Lemmy. Je Metropolis. Thank you. English boys. Okay, you Fuji Rock people. All right, we're going to see how loud you are. There's just three of us on stage. Okay, I'm going to count to three in some sort of, I don't know, some weird language or whatever I can think of at the time. Then we would like all of you to make more noise than since we're little babies, all right? This is going to be amazing. Take a big breath after three. One, two, three! No, that was fucking terrible. There's thousands of you out there. Should be able to make a bit more fucking noise than that. We'll try it one more time, okay? One, two, three, four! One, two, three, four, five, six! Oh, Phil the winner. This one is dedicated to everybody who made the fucking noise then. And me, it's called Over the Top. Dire Motorhead, ça a toujours eu un son rouleau compresseur, vraiment jusqu'au bout. Over the Top et Metropolis, dont deux extraits du CD live Motorhead and Mont Fuji Festival 2015 Sayonara Folks, qui est le deuxième CD de la réédition de Bad Magic, Seriously Bad Magic, sorti il y a de ça à peu près maintenant 3 semaines. Est-ce qu'un petit peu de trash death mélodique ça vous dirait? Oh bah je pense que oui. La preuve, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel. Eh bien, on va revenir au nouvel album de Monolith, We Have Caught the Sun, avec un morceau qui s'appelle The Never Ending Beginning, qui était le premier single. Thank you. Praetor, extrait donc de leur premier album Praetor, tout simplement, c'était Move On. Juste avant, We Have Caught the Sun, ça c'est le titre du nouvel album de Monolith, sorti le 3 mars dernier, et le morceau c'était The Never Ending Beginning. Et bien la suite, on va revenir au nouvel official bootleg de Dream Theater. Vous savez maintenant que depuis juin 2021, tous les mois, Dream Theater s'amuse à regarder dans ses archives et en profite pour republier les anciens lives, autres démos de défunt label Hits & Jam Records que Mike Portnoy s'occupait à l'époque, faisait partie du groupe, et aussi ils en ont profité pour ressortir des concerts un peu plus récents dont on vous a passé d'ailleurs quelques extraits ces dernières années. Au mois de février est sorti un peu plus curieusement les démos de Distance Over Time, mais des démos instrumentales, chose un petit peu curieuse. Donc si vous avez envie de comparer par rapport à l'original, eh ben ce Untethered Angel, vous allez voir ce que ça vaut. C'est sympa aussi le Untethered Angel en version instrumentale. C'est extrait donc du official bootleg de Dream Theater Distance Over Time démo 2018, sorti au mois de février. On va se faire un petit peu une petite exclue maintenant. Alors j'ai hésité à vous présenter ça comme une nouveauté, car je me suis procuré ça récemment, mais ça date de 2021. Et alors là, je vous invite à faire un petit tréfond, enfin, faire un tour, enfin, tréfond de vos mémoires. Pour tous les amateurs de thrash metal des années 80, est-ce que vous vous souvenez d'un groupe qui s'appelait Détente? Ah, peut-être que ça vous dira quelque chose aux plus anciens d'entre vous et aux plus pointus en matière de thrash. Alors, Détente était un groupe américain qui a fait sortir un seul album en 1986 qui s'appelait Recognize No Authority. Et qui avait pour particularité d'avoir une chanteuse. Bon, même si outre-Rhin, Oli Mossis était en train d'aiguiser ses cordes vocales et ses guitares et comment allait faire parler de lui un peu plus tard. Donc Détente avait commencé à faire parler de lui et le groupe a très vite par contre eu un petit succès underground et piouf, ça s'est très vite arrêté. Et bon, il faut dire que la chanteuse Dawn Crosby, elle est morte déjà près de 25 ans. Et un des membres du groupe a voulu en souvenir ressortir un vieux live. Il a ressorti une vieille cassette soundboard. Et c'est un album sorti à vraiment très peu d'exemplaires, à quelques centaines d'exemplaires à tout casser, qui s'appelle Official Live 86 Bootleg, enregistré le 29 août 86 au Country Reseda Club Reseda. Allez, on va se faire un petit brûlot bien hargneux. Alors le son, c'est Roots de chez Roots, mais ça le fait. Blood I Bleed. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être une découverte. ça fait du bien. I Am Dead en live, extrait donc du premier album et le seul unique de Capharnaüm, pionnier du thrash de Def d'Orléans. Un coucou à mon ami Laurent, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Juste avant Capharnaüm, c'était culte de chez culte aussi, détente, groupe californien, avec un official bootleg, d'ailleurs son titre, Official Live 86 Bootleg avec Blood I Bleed. On va continuer avec la dernière nouveauté de la semaine, avec, on va faire un petit tour en Italie, découvrir un groupe qui s'appelle Slither et qui vient de sortir son deuxième album. Alors ça, c'est pour tous les fans de heavy metal 80s pur et dur. D'ailleurs, c'est une des sorties du label Steel Shark dont je vous parle depuis quelques semaines, des excellentes sorties de ce label français. Et ça, c'est sorti fin novembre, donc quoi, vous voyez, c'est assez récent. L'album s'appelle Deadlights, le morceau c'est Deadlights, mais avoir une petite intro qui s'appelle Sewer Maze. We'll be right back. venus des Pyrénées, les excellents Worselder avec leur dernier album Redshift, c'était Pillars of Smoke à l'instant. Eux par contre nous viennent d'Italie et c'était la dernière nouveauté de la soirée. Le groupe Sleezer avec leur album Deadlights, leur deuxième et le morceau du même nom, à la petite intro, Sewer Maze. Et ben, je me suis dit qu'on allait terminer tout en douceur. Après ce petit voyage, on va revenir à Orléans avec Sika. Et pour terminer, un petit extrait de son album It's Time. Et le morceau porte bien son nom, Outro, tout simplement, pour terminer l'émission en douceur. Diary, extrait donc de l'album It's Time de Sika. C'était donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Avant de vous dire au revoir, je voulais vous dire que la semaine prochaine, ne ratez surtout pas Electric Shock, ça va être une émission exceptionnelle puisque je recevrai Chris du groupe Prisma qui va nous parler de sa deuxième édition du deuxième festival Creekfest qui aura lieu le 8 avril prochain à Cléry-Saint-André en compagnie donc de son groupe Prisma bien sûr, d'un autre groupe qui s'appelle Warm Up et Earthline. Donc si vous voulez en savoir plus pour tout ça, eh ben une seule chose à faire, branchez-vous sur Radio Arc-en-Ciel mardi prochain à partir de 19h. Enfin bon, j'imagine que c'est ce que vous faites tous les mardis. Eh bien, bonne semaine à vous. Faites bien la gaffe à vous, écoutez Plein de Métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Je vous dis à mardi, en compagnie de Chris, pour le Chris Fest. Salut à tous! Mas não sabe de quantos dias será o novo concurso e até lá ficamos sem os nossos salários. Manifestação da CGTP em Vila Nova de Gaia, com mais de uma centena de pessoas a exigirem melhores salários e condições de vida. É isso que exigiram centenas de jovens que saíram esta tarde à rua em protestos em Lisboa e também em Vila Nova de Gaia. Em França, o dia foi também de novos protestos, a 10ª jornada consecutiva de manifestações contra o aumento da idade da reforma dos 62 para os 64 anos. No caso de Paris, José Manuel Rosendo, correspondente da Antena 1, houve uma vez mais confrontos entre os manifestantes e a polícia. A manifestação praticamente até ao fim sempre a decorrer de uma forma mais ou menos tranquila, mas depois na parte final começaram estas situações de confrontos com a polícia. A manifestação esteve parada durante muito tempo e depois então chegou aqui à Praça da Nação. Neste momento a polícia, são centenas de polícias das diferentes forças contra a violência, depois de